Réellement, il est le véritable Dieu. Akika ni yeye Dieu Mungu wa byakwe. Il est le véritable sauveur. Ni yeye Dieu Mokozi wa byakwe. C'est le seul Dieu qui ne déçoit pas. Ni Mungu tu peke ula shiwezi kukosewa. Kosea mutu. Il peut rester silencieux. Ataweza kubakia kimya. Mais son silence là ne veut pas dire que lakini ile kimya yake aiseme ya kwamba que tu es perdant, non. Asema Mungu atashindwa, hapana. Son silence ile kimya yake veut dire qu'il prépare quelque chose de merveilleux. Eh, kunaonesha kusema natarisha kitu kia damani kabisa. Chacun doit désirer expérimenter Dieu dans ses sens. Kila mtu anapenda aonje mtu ndani ya wachi yake. L'épreuve peut prendre longtemps. Majaribu itaweza kukawia muda mrefu. La maladie peut prendre longtemps. Magonjwa itaweza kukawia muda mrefu. Les difficultés peut prendre du temps. Magumu itaweza kubeba muda. Mais une chose est vraie. Lakini kitu kimoja tu ni kiabia kweli. Toutes ces choses, ile vitu vyote, ont eu un commencement. Bilikuwa na mwanzo. Et elles ont une fin. Na biko tena na mwisho. Seul Dieu est éternel. Paka Mungu tu peke njo ekwa milele. C'est bien. Ni mzuri. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa yetu. Mwamba wako ni nani? Mwamba ni Yesu. Mwamba. Alleluia. Mwamba ni Yesu wa mapenzi. Mwamba wako ni nani? Mwamba ni Yesu. Mwamba. Alleluia. Mwamba ni Yesu wa mapenzi. Tutamwimbia nani? Mwamba ni Yesu. Mwamba. Alleluia. Mwamba. Tashukuru nani? Mwamba ni Yesu. Mwamba. Alleluia. Mwamba ni Yesu. Tutaimbia nani? Mwamba ni Yesu. Mwamba. Alleluia. Mwamba. Réellement, Seigneur, Akika Bwana, tu es le véritable rocher. Uko mwamba wa byakwe. Tu es le véritable Dieu. Uko Mungu wa byakwe. Le véritable sauveur. Mukozi wa byakwe. C'est toi, notre Seigneur Jésus. Oui, Bwana wetu Yesu Kristo. Et c'est pour toi que nous sommes rassemblés ce matin. Yani njoo yako tunajikusanyika usiku ya leo. Il y a parmi nous, Seigneur, uko katikati yetu Bwana, des frères et des sœurs, banduku na badadi, qui sont coincés. Beko mwenye kusongwa. Qui n'ont plus d'issue, qui n'ont plus de solution, physiquement, matériellement, financièrement, et même spirituellement. Mais nous te faisons confiance, Seigneur. Toi qui avais décanté autrefois des problèmes, toi qui avais résolu des situations, toi qui avais guéri des malades, tu n'as pas changé. Honore la foi de chacun de nous, même celui qui est venu faible, Seigneur. Celui qui est venu décourager, fais quelque chose ce matin afin que Seigneur, repartant de ces lieux, chacun puisse repartir avec des louanges dans sa bouche. Viens au secours de nos âmes, Seigneur. Tu ne laisses pas un peuple repartir main vide. Et puisque c'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes rassemblés, donne-nous à tirer profit, Seigneur, de ta parole, des effets de ta présence, des effets de Golgotha, du sang versé à Golgotha. Seigneur, que tous les malades, au nom de Jésus-Christ, reçoivent leur guérison. que tous ceux qui ont des problèmes, Seigneur, retrouve la solution. Que tous ceux qui étaient coincés, que ce soit dans des couples, Seigneur, ouvre la voie pour chacun. Nous croyons que tu es Dieu. Seigneur, nous allons lire ta parole. Viens encore ce matin, Seigneur, au travers de ta parole et par le Saint-Esprit, ouvre-nous les yeux, révèle-nous te voir et sois toi-même glorifié au milieu de nous. Nous le demandons avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10. Je vous invite à vous lever. Na mialika mpate ushimama kwa Korinto wa kwanza sura ya 10. En Corinthiens chapitre 10. Wa Korinto wa kwanza sura ya 10. Verset 13. Mstari wa 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Hakuna takishawishi kimoja kisha kumifikia kila kiwezi kupata bantu akiapatikane kwa bantu. Aucun problème, ma sœur. Hakuna tamambo dada. Qui soit arrivé dans votre vie, yako, dans votre couple, yako, aucune difficulté moja, dans votre travail, yako, dans vos activités. Ce qui arrive à tout le monde bote, a déjà été sur la, arrivé quelque part. Isha deja kufika kila wakati, ce qui arrive dans votre couple a déjà eu lieu dans un autre couple quelque part. Ce qui vous arrive physiquement, ce qui vous arrive financièrement, ce qui peut arriver dans cette église a déjà eu lieu quelque part. Comment Dieu s'était-il comporté quand cela est arrivé au milieu de son peuple, quand cela est arrivé au milieu de croyants? C'est là notre sujet. Dieu avait-il laissé son peuple dans la confusion? Dieu avait-il laissé un couple chrétien dans la confusion? Non. Ce n'est pas dans sa caractéristique. Dieu intervient toujours. Que le Seigneur bénisse la portion de l'Écriture. Nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Nous en profitons pour saluer nos frères et nos sœurs qui nous suivent en ligne. Que le même Saint-Esprit qui règne au milieu de nous puisse aussi régner parmi son peuple qui nous suivra. Aucune tentation, aucune difficulté, aucune maladie. Frère, sœur, quand nous disons ça, c'est pour permettre à chaque frère, à chaque sœur, ce matin, de comprendre que kumbi mambo nikunayo, il n'a pas chaque patajibu, doit avoir une réponse. Kumbi magumu ni kunayo. Donc ce problème que j'ai, il n'a pas chaque pas ta jibu. Doit avoir une réponse. Aina se il n'a pas chaque ikuna jibu. Ce n'est pas que ça doit, mais ça a déjà une réponse. Amen. Amen. Magonjo kunayo. La maladie que tu as, ikuna jibu. A déjà une solution. Maintenant, il busubui. Maintenant, il matin, faut qu'il a frère, il faut que chaque qu'il frère, a soeur, chaque soeur, qu'il a dada, qu'il a ndouku vitu kwa pa. Chaque soeur et chaque frère comme nous sommes ici. Patigana, dans le problème dans lequel tu es, que tu saches qu'il y a une réponse et tu dois sortir avec cette réponse maintenant. Il n'y a jamais eu un homme ou une femme. Mungu à Israël. Celui qui est allé vers Dieu d'Israël, kusongwa sana, qui était coincé, abatiye bila jibu. Il soit resté sans réponse. Apana. Non. Abinako. Il n'y en a pas. Kwa Mungu akuikalaka kusema, chez Dieu, apa biko impossible. Et on ne peut pas dire que ici c'est impossible. Kusema, chez Dieu, on ne peut pas dire c'est trop tard. Ici c'est trop tard. Non. Non. Abinavili. Ce n'est pas il comme ça. Faut il faut que je, avec nous-mêmes ce matin, que nous sommes dans un même esprit, détermination dans une même détermination. Frère, de sorte que mukutoka, que chacun sorte mambo avec la joie de Dieu. Mon problème a trouvé solution. Il faut, kukanisa, il faut qu'en venant à l'église, que nous sachions que nous avons vers Dieu, c'est lui qui a aidé les anciens. Bon amen. Dieu vous qu'est-ce bénisse. Qu'une tentation? Mashawishi ni nini? Être poussé à faire un mal. Kusukumwa kutenda kibaya. Dans la Bible, frères et sœurs, je commence d'abord par là. Minanzia pale. Il y a eu des hommes. Kurukua bat. Il y a eu des femmes. Banamuki. Quand Dieu parle ainsi, wakati Mungu anasema Dieu s'adresse au peuple qui l'a sauvé. Mungu anambia ba taifa ya rokoa. Pour nous montrer que être poussé à faire le mal, ya kwamba kusukuma kufanya kibaya, cela est normal à tous les hommes. Ni ile kuweka ya kawaida cela arrive à tous les hommes. Ile nafikia kwa watu wote. Kubiba bishilani bina kubamu. La colère te unataka kutenda kifulani. Tu veux agir. Makari na kubamu. La colère te unataka kufanya kifulani. Tu veux faire quelque chose. Tamaa na kubamu. La convoitise te surprend. Ou l'envie. Inabambaka bantu bote pa dunia. Ça attrape tout le monde ici dans le monde. Regardez comment la Bible parle. Mwone Bibile unasema. Aucune tentation. Hakuna takishawishi kimoja. Qui vous arrive. Ile kunemifikia. Qui n'a été humaine. Ile ayapataka binadamu. Tamaa yote na kubambaka. La convoitise qui t'a. Bishilani bina kubambaka. La colère que tu as. Non, frère et sœur. Voyez mon frère et ma sœur. Ile nia yote na kubambaka. Tout envie qui. Mawazo yote na kubambaka. Que tout pensée qui arrive à toi. Inabambaka bantu bote. Ça attrape tout le monde. Amu ya kufanya kifulani. L'envie de faire quelque chose. Inabambaka banaume na banamuke bote. Ça arrive à tout le monde. Kile Mungu ako napenda tubambe. C'est que Dieu veut que nous puissions saisir. C'est cela d'abord. Ni ile mbele. Que ce qui vous arrive. Ya kwamba kile kinamifikia. Arrive à tous les hommes. Kinafikia kwa watu wote. La colère Kasirani. Arrive à tous les hommes. Inafikia kwa watu wote. Être à choper. Kuya mwenye kwa ça arrive à tout le monde. Inafikia kwa watu wote. Être tenté par quelque chose. Ça arrive à tout le monde. Parce que pourquoi? Nini? Nous sommes tous dans la même condition physiquement. Croyez-vous comme ça? Nous sommes tous physiquement la même chose. Aucun prédicateur n'est surhumain. Aucun pasteur n'est surhumain. Non. Tous nous sommes la même chose. Et tout arrive à tous. Je crois que c'est Ecclésiaste 9. Ecclésiaste chapitre 9. Mubiri suraki atisa. Ecclésiaste 9, verset 2. Tout arrive également à tous. Tout arrive également à tous. Même sort pour les justes et pour les méchants. Pour celui qui est bon et pur, et celui qui est impur. Pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Suivez maintenant très bien. Qu'est-ce que Dieu poursuit ici? Qu'est-ce que Dieu veut que nous sachions? C'est pour montrer à chaque frère et à chaque sœur. Quand nous retournons dans 1 Corinthiens 10, là où on a lu, la Bible ajoute en disant la tentation est normale pour tous les hommes. La tentation. Être poussé à faire un mal. Kusukuma kufanya kibaya. Être poussé à dire un mal. Kusukuma kusema kibaya. Être poussé à faire quelque chose qui n'est pas correct. Kusukuma kufanya kitu cela kumeja arrive à tous. Ile kunafika kubati. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier pour nous les chrétiens? Sasa kipekee kwetu sheba Kristo. C'est là la grande promesse que Dieu a faite dans cette écriture qu'on a lu. Jo malako ile Mungu alifanya muyandiko turisitu. Retournons là-bas. Il y a une très grande promesse que Dieu nous donne dans 1 Corinthiens 10. Comme tout arrive à tous. Maintenant, ce qui est de particulier aux croyants, c'est quoi? 1. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Dieu est fidèle. Mena shibote tubamba kusema. Mena tout le monde que sache. Binaweza kunifikia na mie. Ça peut m'arriver à moi aussi. Kuya kuya na kufia kusema. En voulant dire. Na mi binaweza kunifikia. Moi aussi ça peut m'arriver. Kutafuta kutenda. Chercher à faire quelque chose. Kutafuta kufanya kifulani. Chercher à faire quelque chose. Binaweza kunifikia. Ça peut m'arriver. Mais kintu kya upeke ni nini? Lakini chose particulière c'est Mungu ni mwaminifu. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu comment? Dieu est fidèle comment? Mungu asitechika. Dieu ne permettra pas. Mie mwaminifu. À moi le croyant. Mie mtoto yake. Moi son fils. Bile binafia kunifanikia. Ce qui veut arriver chez moi. Bile binafia kusema. Ce que je veux dire. Bile binafia kutenda. Ce que je veux faire. Bipate kwa na nguvu kunishindwa. Plus fort que moi. Est-ce que Mungu nashiki? Eti munelewa? Mungu wako mwaminifu je? Dieu est fidèle comment? C'est-à-dire? Nikusema. Aste chikaka ta siku moja. Il ne permettra jamais à aucun frère de laisser un frère. Wacha dada. De laisser une sœur. Aseme. Qu'il dise. Attende. Qu'il fasse quelque chose. Bile biku nguvu kumushindwa. Ce qui est plus fort que lui. Ce qui est au-delà de tes forces. Il est na pita nguvu yake. Ce qui est au-delà de ta foi. Il est na pita imani yake. C'est cela en d'autres termes. Jo kishina Mungu mwanekuya niveau ya imani ya Dieu qui connaît le niveau de la foi de tout un chacun. Mungu aste chikaka shetani. Dieu ne permettra jamais que Satan. Akufanyishe bintu biku nguvu kushindwa imani yako. Il te fasse quelque chose qui est au-dessus de ta foi. Kama kuna kaimani kaivi. Si tu as une petite foi. Mungu asita permettre shetani. Dieu ne permettra jamais à Satan. Ipate kwa mnene kushindwa kaimani yako. La pression de ta foi soit plus grande que ta foi. Est-ce que Mungu nashikia? Je reprends. Mina rudiriam. Uko na kaimani kaibu ne. Tu as une petite foi. Mungu asita chikaka. Dieu n'acceptera jamais. Tu as vu le wewe sœur unaamini. Comme toi la sœur tu as cru. Tu as vu le wewe frère unaamini. Comme toi le frère tu as cru. Imani yako ikwevi. Ta foi est petite. Iko mkanchupa sucre. Et dans une petite bouteille. Mungu asita chikaka. Dieu ne permettra jamais. Uvuto ya shetani. Que l'attraction du diable. Il t'accueille kukutante wewe. Il viendra vers toi pour te prouver. Iko ya kipimo ya mbekechi. Que ça soit plus grand. Je crois bantu bengina ba yashike muzu. Mina mia se bantu ba ya déjà n'ont pas encore bien compris. Mina nda sasa chini. Je descends encore. Imani yako ta foi à toi. Kama unaona 100 dollars. Si tu voyais 100 dollars. Imani yako itenkaki. Ta foi ne bouge jamais. Mungu astacha. Dieu ne laissera jamais. On est 1000 dollars. Que tu vois 1000 dollars. Parce que comme on a 1000 dollars. Parce que quand tu verras 1000 dollars. Il t'akutenkesha muimani. Tu seras, tu vas bouger dans ta foi. Mungu yata permettre paka. Dieu permettra que. Mambo yako yote kwa mu niveau ya 100 dollars. Et ton problème soit seulement au niveau parce de 100 dollars. Parce qu'anesha kusema. Parce qu'il sait que. Huyu akione 1000 dollars. Si il voyait 1000 dollars. Anacha mambo ya Mungu. Il va laisser la parole. Maintenant, niveau yake ya imani. Son niveau de la foi. Hivi mimi napenda kumbariki. Comme je veux le bénir. 100 dollars. 100 dollars. Anaitulize inamwisha. Il utilise 100 dollars. 100 dollars. Il utilise. Il utilise. Anangara unanzo komea. Comme tu commences à grandir. Anafika mu niveau kani. Il arrive à quel niveau? 200 dollars ataweza. 200 dollars. Ça va monter 200 dollars. Oui, donne-lui 200. Jua kuchunge paka kumikono yake. Pour qu'il continue à te garder entre ses mains. Uyu. Celui-ci. Nikimutume leo kwa États-Unis. Si je l'envoie aujourd'hui aux États-Unis. Il va abandonner la parole de Dieu. Akende tu kulubumbashi anacha mambo. Si il allait à Lubumbashi, il va abandonner la parole de Dieu. Wewe pamwisho pale utaanza kufikia ni pale kasi. Ta limite c'est seulement à l'ikasi où tu vas arriver. Il ne permettra pas de te laisser. Que tu ailles à Johannesburg. Tu arriveras là-bas. Tu verras ce que tu fais. Et tu abandonneras la parole de Dieu. Dieu est fidèle. C'est-à-dire, quand il sauve quelqu'un, il veille à ce que ce salut-là arrive dans l'éternité. Il ne laissera pas Satan vous faire des choses pour que la foi soit anéantie. Il y a des gens ici. S'il achète un véhicule, sa tête va tourner. S'il y a des couples ici, s'il attrape 15 000 dans leur main, ils seront fous. Nakuya kutaisha. Et même pour venir à l'église, ils vont laisser. Kuku bantu apa. Il y a des gens bamu ici. On lui donne une maison ici au centre urbain. Bantu bote banakuwa banyangala kati. Et tous les gens seront des vins. Mungu anatuyua. Dieu nous connaît. Mungu anatuyua. Dieu nous connaît. Maintenant, eko na pati ile unasikia sema kuku anakuraka paka chapa mulomo yake. La poule ne mange que ce qui convient à son bec. Dieu dit, apana, celui-ci ici, ça suffit pour lui. Je suis jaloux de cet homme ici. Y a une nafsi. Et j'ai besoin Nanikula que cet homme, cette femme, aille au ciel. Dieu était jaloux de nous. C'est pourquoi tout concourt pour notre bien. Dieu a déjà regardé d'autres personnes en disant, celui-ci. Il faut que cette maladie le dérange. C'est alors qu'il cherchera beaucoup prier à jeûner. Si tu le laisses en bonne santé, c'est fini, il va s'envoler. C'est fini pour nous. Dieu connaît chacun de nous. Et Dieu nous aime. Na Mungu anatupenda. Dieu nous aime. Mungu anatupenda. L'amour de Dieu, mapendo ya Mungu, c'est de nous garder ni ya kutuchunga dans la voie du salut. Munjia ya wokovu. Bwana mbariki. Que Dieu bénisse. Alors Mungu sasa a choisi de permettre kwa shetani. Ashtaruhusu au diable. Yana yo kusema huyu. Lui il connaît que c'est. Akione mwanamke wa shipo mangua. Même cette femme sans habit. Celui-ci va faire la cour. Et Dieu ne peut pas permettre. Et Mungu asaruhusu. Dieu va te faire des choses. Mungu atafanya bitu. Pour te garder dans la foi. Dieu kuchunga muimani. Dieu te privera certaines choses. Mungu atakuima bitu bingine. Et c'est pour ton bien. Na ni juu ya bizuri byako. Et nous on doit comprendre ça. Sasa shetu napasha kolewa vile. Hivi miku naomba na hiki mtu mishione msaada wa Mungu. L'aide de Dieu. Dieu connaît pourquoi. Mungu anajua juani. Maintenant que j'avance seulement. Ça ne peut être tout qu'endelea kumbele. Bwana mbariki. Que Dieu vous bénisse. Tout arrive à tous. Yote binafika kuboti. Et nous savons maintenant. Na tunajua sasa. Que tout ce qui nous arrive. Yote lenye tufikia. Chacun de vous. Kila mmoja wenu. Est à mesure. Et qu'on arrive kimo. Sa propre volonté. Chacun de nous a sa propre volonté. Même quand on a le Saint-Esprit, la propre volonté est toujours là. Quand on est né de nouveau, la propre volonté est toujours là. Mais ça va Christ. Qu'est-ce que nous faisons? Nous soumettons notre volonté à la volonté de Dieu. Nous agissons comme Christ. Il avait sa volonté et il a soumis sa volonté au Seigneur. Bonne mbariki. Que Dieu vous bénisse. Regardez comment la Bible parle. Romains chapitre 7. Waromi sura ya 7. Romains chapitre 7. Waromi sura ya 7. Romains 7 verset 23. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Sheria ya kusikia kwangu. Qui voit ça aussi chez lui? Nani unaona tena na yeye pia ile kwake? Qui voit ça? Ni banani banaona kile kitu maisha yako. Tunaona kashibote mumili yetu. Nous tous nous voyons dans nos corps, dans notre corps. Uwezo ingine. Une autre puissance. Iko na kombanisha paka ile tunaamini. Qui combat ce que nous croyons. Sasa kama uko mkristo unaona kile stadile. Mais si tu es chrétien, tu ne vois pas cela? Tu es avec Satan? Ngusema uko pamoja na Shetani. Mais kama mkristo vya kweli. Mais si un véritable chrétien. Mwanaume na mwanamke. Un homme une femme. Tunaona kaibu konvi siku yote mu maisha. Si nous voyons cette guerre en nous tous les jours. Kinwa kinafia kusema hivi. La bouche veut pas. Macho yanafia kunipeleka huko. Les yeux vont me voir. Macho kunipeleka huko. Moyo kuniambia fanya hivi. Le cœur me dit de faire ceci. Nous voyons ça. Tuko naona ile. Et c'est chaque jour. Nani kila siku. C'est chaque jour. Kila siku. Tunaona hili. Je vois ça. Niko naona hili. Une autre loi. Sheria nyingine. Une autre puissance. Uwezo mwingine. Un autre chef. Mchef mwingine. Qui lutte. Eko na kombanisha. Contre la loi de mon entendement. Ku sheria ya usikiliza kwangu. Bila onesha kwa mini. Seke toi tu crois. Bukonvi bukwako. La guerre est toujours là. Bukonvi bunekala kako. Siku yote bukonvi bukwako. Chaque jour il y a toujours la guerre. Atona pata Roho Mtakatifu. Même si tu restes le Saint-Esprit. Bukonvi bukwako. La guerre est toujours là. Butamanizika. Ça va se terminer. Baka pale tutakufa. Seulement le jour nous allons mourir. Maintenant qu'est-ce que Dieu nous demande? Sasa Mungu yetuomba nini? Regardez. Mwangari. C'est dans Romains 8. Warumi 8. Non, Romains 6 plutôt, je parle. Waroma sura ya 6. Romains 6. Waroma sura ya 6. Verset 12. Tara 12. Que le péché Zambi ne règne donc point dans votre corps mortel. Chitawale kamwe tena mumili yenu ya lufu. C'est-à-dire, ne laissez pas Nikusema, le péché Zambi, venir vous conduire. Ipate kwa kumiongoza. Régner, c'est-à-dire vous conduire. Kutawala nikusema kumiongoza. Apana kuitika, il ne faut pas accepter ile uwezo yo ikongoze. Que cette puissance te conduise. Et même au moment où nous disons cela, il y a certains qui acceptent. Régner, c'est-à-dire commander. N'acceptez pas que cette autre loi, cet autre chef, cette autre puissance puisse vous conduire. On demande quoi? Ta décision. Mupango yako. Ta volonté. Mapenzi yako. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'obéissez point à ces convoitises. Namushi tike ku tamayaki. Mungu anayakusema chacun de nous a son libre arbitre. Dieu connaît que kila mmoja wetu ana uhuru. Mais il nous fait voir akusema. Lakini anatuambia kusema. Vous allez toujours remarquer un autre chef, chef une autre puissance, une autre volonté qui cherche à vous conduire. Maintenant vous n'acceptez pas. Sasa wewe ushichike. Si vous acceptez, kama unachika, vous perdez le combat. Ah, ule unakosa unamvita, unapoteza vita. Na hapa tu kunasema. Même quand on dit ça, frère, kuku ba sœur, il y a des sœurs. Beko paka nechika siku yote. Tu continues encore à accepter tous les jours. Beko paka nechika. Qui accepte cela tous les jours. Mais utaona kusema. Mais vous allez voir. Ukanisi utanzi pa kuya. L'église, tu vas continuer à appeler. Lakini mwende kushikwa na chef mwingine. Étant saisi par un autre chef. Bwana mbariki. Que le Seigneur bénisse. Que le péché Zambi ne règne donc point. C'est quoi le péché? Zambi ni nini? Ne résistez pas à la parole de Dieu. Hapana kushindana na neno ya Mungu. Parce que le péché c'est l'incrédulité. Juu Zambi ni kutokuamini. Dites toujours oui à ce que Dieu a commandé. Sema kila wakati ndio kwa kile Mungu anakuamuri. Toutes les fois que vous dites non à ce que Dieu dit. Wakati wote unasema hapana kile kwa Mungu kile anasema. Vous ouvrez la porte. Unafungula njia. À un autre chef. Kwa chefu mwingine. Qui vient vous commander. Anakuja kuamuri. Qui va vous faire faire. Anafia kufanyisha. Des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Bintu abiyambatana maandiko. Mais vous serez toujours dans l'église. Je ne sais pas que vous voyez que le problème ce n'est pas de venir à l'église. Le problème c'est de reconnaître que c'est quel chef qui te conduit, mon frère. C'est quel chef qui te conduit, ma soeur. Dieu a promis en disant je ne laisserai jamais notre chef te conduit. Il soit plus grand que ta foi, plus grand que ta volonté. Est-ce que mon achetasse? Et tu avez-vous compris? Dieu ne peut pas permettre que Satan soit plus fort que les croyants. Les gens ne comprennent Dieu pas. Dieu ne peut pas permettre. Depuis Golgotha, Dieu n'a jamais permis que Satan soit plus fort que le croyant. Maintenant, regardez les résultats que vous avez. Comment expliquer que Satan est plus fort que vous? Vous voyez? Comment expliquer que Satan maintenant est plus fort que toi? Dieu, t'asema, Satan est encore plus fort. Comment expliquer que Satan est plus fort que toi? Ça, t'asema, Satan est encore plus fort. Mais toi, tu as cru. Oui, chaque fois. Dieu promet aussi. Mungu na lakatena. Que je ne permettrai pas à Satan. Mais je t'arrose quoi, Satan? L'écriture qu'on nous lisons là, en termes simples, Dieu dit ceci, j'observe ce que j'ai promis. En disant que Dieu est fidèle, c'est-à-dire ce qui a été décidé par Dieu, Dieu ne peut pas briser ça. Si Satan et les démons étaient vaincus, Dieu dit que je suis fidèle. Je vais veiller à ce que cette victoire soit dans chaque soeur et dans chaque frère qui a cru. Est-ce que cela est c'est comme ça que cela est vrai chez chacun? Vous voyez le problème, les choses de Dieu. Si tu découvres que c'est toi qui es en bas, réveille-toi. Relève-toi. C'est moi qui suis insensé. Dieu ne permettra pas ça. Dieu ne permettra pas aux démons de prendre son fils, s'arracheter ou son racheter. Dieu n'acceptera pas que Satan domine un frère et une sœur. Alors tu semaines amen. Maintenant, disons amen. Maintenant, tu utilises. Maintenant, demandons-nous. Ça, comment il m'atteint à Satan et qu'on abatte ma chair. Pourquoi ces œuvres de Satan demeurent toujours en nous? Donc, il y a une volonté. Nous sommes à coup de ma pince. Ni bantu djobe konetchika. Ce sont les gens qui acceptent. C'est les gens eux-mêmes qui acceptent. La parole est apportée. Pour que balé balance kuchika. Pour que ceux qui acceptent. Ils arrêtent. Qu'ils disent maintenant à partir d'aujourd'hui, je n'accepterai plus que le diable me domine. Frère, vous voyez le problème de la chrétienté. Ce matin, nous pouvons tous sortir ici étant sauvés. Mais si tu viens et tu t'assois là-bas, comme si tu écoutais un discours politique, comme tu étais en train, tu sortiras ainsi. Et pourtant, kuya kukanisa, déjà pour venir à l'église, veut dire quoi kupatana na mungu. C'est-à-dire venir se rencontrer avec Dieu. Mungu anakuwa patane na mungu. Mais celui qui vient se rencontrer avec Dieu. Na kika unapatana na mungu. Et véritablement tu te rencontres avec Dieu. Paka filo rikuya. Comment vas-tu rentrer comme tu étais venu? Mu Bible, dans la Bible, muku mwanamke mwa mujane. Il y a une femme veuve. Alikuwa na mtoto huyu moyo. Elle avait seulement un enfant. Frère, donc beko naenda ku maziko. Ils allaient à l'enterrement. Batiabo, leur chance, njia cimetière, la route du cimetière, njokule Yesu alikuwa na piti. C'est là où Jésus aussi passait. Bila ule mama kulomba kintu, sans que cette maman ne demande quoi que ce soit. Bila boku famo kusema huyu njo Yesu. Sans même reconnaître que celui-ci c'est Jésus. Chanduku pa mabeka. Le cercueil sur les épaules. Balanza déjà ukaribia bafike bachimbule njimu. Ils approchaient pour creuser. Yesu mukubumbana na ule mama na ule Maïti. Jésus en se rencontrant avec cette maman et ses Anagouswa. Il était touché. Anagouswa kabisa. Il était vraiment touché. Mukona uzuni ilikuwa na ule mama. En voyant l'angoisse qu'il y avait cette maman. Kuyo kusema mujane. En savoir que cette veuve. Mwana mtoto paka moyo. Il n'a vécu qu'un seul enfant. Na ule mtoto anafariki. Et cet enfant était mort. Anasema hapana. Il a dit non. Oui, maman, ce n'est pas correct. Cette maman, non, ce n'est pas correct. Il s'est arrêté. Maman. Il a appelé ceux qui avaient le cercueil. Il a tenu le cercueil. Il a pris le cercueil. L'enfant est revenu à la vie. Frère. Ndoku. Il a vu l'affliction qui était dans cette maman. Il a vu que cette maman, tout ce qui lui restait, c'était cet unique enfant. Et cette maman comptait sur cet enfant. Il ne savait pas où il était en Isika. Mais c'est là où je savais qu'il allait m'intéresser. Il a vu que cette maman était dépassée. Et il n'y avait plus de consolation. Il est intervenu. Sans que cette maman n'ait dit un mot à Jésus, sans que cette maman n'ait su que celui-ci est le Messie. Maintenant, spirituellement, vous, moi, toi, ma soeur, nous connaissons qui est Jésus. Vous êtes affligé. Vous êtes conscient que tout ce qu'il vous faut, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Mais Jésus, ce matin, vient à votre rencontre. Voyant votre affliction, peut-il vous laisser comme ça? Est-ce que Dunashki? Et avez-vous compris? Où les mamans font comme Maombi? Cette maman, est-ce qu'elle avait on n'a pas le temps, ça va nous perdre, prendre. Cette maman n'a fait aucune prière. Où les mamans elle ignorait même que le Messie est sur la terre. Mais Dieu, dans sa bonté, a arrangé que Jésus soit sur le parcours de cette maman. Est-ce que ce n'est pas le même Jésus qui est avec nous ce matin? Tout dépend. Il a vu l'affliction qui était dans le cœur de cette maman. Peut-il voir aussi l'affliction qu'il y a dans chaque frère et dans chaque soeur et ne pas répondre? Parce que cette maman, je suis sûr, en allant au cimetière, elle se disait: qui me consolera? Qui peut venir à mon secours? Qui peut faire quelque chose pour que mon fils ici vit? Et Dieu na Mungu a été touché. Na maintenant, si le même Dieu sasa ule Mungu qui est venu à ta rencontre ce matin, vois l'affliction qui est en toi, vois le désir d'être changé, le désir de devenir chrétien, la détermination de changer ta nature, de changer tes pensées. Si tu vois ça, peux-tu te laisser repartir comme tu es venu? Et tu as vu ça, quoi, tu as vu ça? Il ne peut pas faire ça. C'est à quoi injuste? Il sera injuste. Ici, on n'a pas prié. Là, on n'a pas prié. Mais ici, on prie. On est conscient de qui est Jésus. Là-bas, on ignorait qui est Jésus. Où là-bas, tu as vu Jésus? C'est comme un fait de hasard. Mais toi, ça, tu es venu chercher Jésus. Qui doit avoir une réponse? C'est nous. C'est nous qui devons avoir la réponse. C'est ainsi que je continue à soutenir que si bote, que nous tous, selon que ville Turikuya, tu n'es nous pouvons tous sortir qui la muntu, chacun de nous, ou pas na moyo wake, avec la profondeur kutoka kwa Yesu, il a désiré trouver au Père de Jésus. Si dans la profondeur de notre cœur, nous désirons être les enfants nous de Dieu, Dieu doit faire à chaque frère, chaque soeur devenir son enfant. Na détermination, si tu viens avec le mouvement, pour ne pas bouger. Trop, c'est trop. Il est né à. Imanien et Sukumata Fanka Bibai. C'est qui met le mal. Ça va s'arrêter ce matin. Mais tout dépend à Vilorkoui. Yo, t'es dans le ville comme tu es venu. Tout dépend à Vilorkoui. Yo, t'es dans le ville comme tu es venu. Ici, il y a des gens qui ont des problèmes. Koukou Bantou Moumaro. Il y a des problèmes dans leur cœur. Chaque jour. Tous les jours. Ils ne disent que du mal. Ils ne font que du mal. Ils n'agissent qu'en mal. Mais au moment où nous disons cela, si tu décides de Seigneur, que cela s'arrête, ça va s'arrêter. Tout dépend de Yako. Tout dépend de Yako. Tout dépend de Yako. Tout est question de ta foi. Tout est question de ta foi. Bon embarique. Que Dieu vous bénisse. Tout est question de ta foi. Aucune tentation qui vous arrive ne peut être au-dessus de votre foi. Ce que Satan vient faire dans ta vie, ce que Satan vient faire dans nos couples, ce que Satan vient faire à notre foi, tout ce que Satan peut faire, il n'est pas plus fort que nous. Il n'est pas plus fort que nous. Donc, après ces quelques paroles, chaque frère, chaque soeur peut repartir étant vainqueur. C'est ça, non? Chaque frère, chaque soeur peut repartir avec un bagage divin. Amen. Maintenant, si nous ne sortons pas ainsi, nous serons les hommes les plus fautifs. Garia frère, garia sœur. Regardez mon frère et sœur. Vous voyez comme nous sommes tous venus. Qui la frère, qui la sœur. Chaque frère et chaque sœur. Tout celui qui est conscient en disant, ce que j'ai toujours fait, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce que je pense, ce n'est pas la parole de Dieu. Tout ce que j'ai dit n'est pas la parole de Dieu. Comme je vis dans mon mariage, n'est pas la parole de Dieu. Mais ce matin, tu peux repartir une femme et un homme changé. Quand on a katala, si tu refuses, tu vas dépasser la ligne. Tu vas dépasser la ligne. Est-ce que c'est clair? C'est maintenant très clair comme l'eau du rocher. Repartir ici et retourner dans ton ancienne vie, dans tes anciennes habitudes, dans ton langage parlé, déplacé, dans tes pratiques qui ne sont pas conformes à la parole et à l'évangile. C'est-à-dire, tu as été averti, averti, et puis après, Dieu a mis un point. Maintenant, qui est venu ici, Dieu l'a averti, et il repart pour retourner dans son ancienne vie. Il faut être de la semence de Caïn. Il faut être de la semence de Caïn. En Corinthiens chapitre 6. Wa Korinto wa kwanza sura ya 6. Verset 12. Mustari ya 12. Tout m'est permis. Yote inaniruhusiwa. Boire, je peux boire. Minaweza kunywa. Parler en mal des frères et des sœurs, je peux le faire. Bandugu na badada, mitaweza kufanya. Aller suivre de mauvais films, je peux le faire. Mafilme ya mbaya, mitaweza kufanya. C'est-à-dire, je suis libre de le faire. Ni kusema niko huru ya kufanya. C'est dans ma décision. Ni mu mipango yangu. Voler, je peux voler. Kuiba, mitaweza kuiba. Tricher, je peux tricher. Kuibia, mitaweza kuibia. Garder rancune, je peux le faire. Ne pas parler à quelqu'un, je peux le faire. Mais tout n'est pas utile. Maintenant, parce que ça a été maintenant, pour le moment, ce n'est pas utile. Minaweza kubifanya. Je peux le faire. Mais abina tena bia mafa. Mais ce n'est plus encore utile. Nini? Pourquoi? Ni mwenyewe kunariua. C'est moi-même qui me tue. Wewe mwenyewe ndio kunariua dad. C'est moi-même qui c'est toi-même qui t'es tué, mon frère. C'est-à-dire, à bien hésiter na kusaidia imani yako. Ça ne peut plus encore aider ta foi. Imani yako. Ça ruine ta foi. Imani ça ruine ta foi. Tout ce que tu peux faire qui ne sont pas la parole de Dieu, sache que tu es en train de ruiner ta foi toi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui ruine cela. Tu fais comme la Bible dit. Une femme insensée renverse elle-même sa maison. On continue. Tout m'est permis. Mais lakini, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je n'accepterai plus de dire ce que je disais. Je n'accepterai plus de filmer les films comme je le suivais. Je n'accepterai plus de suivre la politique comme je le faisais. Je n'accepterai plus de garder la colère comme je le faisais. Je n'accepterai plus le caractère que j'avais laissé à moi. Je n'accepterai plus de travailler en sa faveur. Ça dépend de votre volonté. Oui, ça dépend de votre volonté. Ça dépend de votre volonté. Donc, dans cette affaire, Dieu travaille avec l'homme qui veut. Dieu travaille avec la femme qui veut. Je ne me laisserai pas. C'est-à-dire que je n'accepterai pas de parler comme je parlais avant. Je n'accepterai pas de penser que j'avais avant. Je ne consommerai plus les sentiments qui étaient dans mon cœur. Je n'agirai pas comme j'avais résolu d'agir. Je ne me comporterai pas comme j'ai résolu de me comporter. Pourquoi? Je me suis laissé avertir. Amen. Donc tu n'es que toi qui ma décision. Amen. Donc tu Tous nous sortirons avec d'autres décisions, non pas comme nous sommes entrés. Ah, donc imani aki la frère. C'est-à-dire la foi de chaque frère, de chaque sœur. Il n'a pas choisi d'embé. Doit aller de l'avant. Maintenant comment imani a endembé le Mais si la foi n'aille pas de l'avant, donc, c'est-à-dire frère a rikiri mukinwa. C'est-à-dire le frère a confessé de la bouche. Wake, mais son cœur a richunga bila rubeba mipango. Il a gardé ce qu'il avait pris comme décision. Est-ce que ce sont des choses ici? Et ni ma miuri. Ce ne sont pas des mystères. Ana masiri. Le christianisme, frère, ta propre décision compte beaucoup. Ta propre volonté compte beaucoup. Je ne me laisserai pas. C'est ta propre décision. Et Dieu lui s'engage. Comme c'est notre propre volonté. Comme c'est notre propre décision. Dieu, ici de son côté, s'engage en disant que je ne permettrai pas à Satan de vous faire faire des choses au-delà de votre force, au-delà de votre volonté. Donc tout ce qui peut arriver trouvera d'abord votre volonté. Si vous acceptez, Satan vous saisit. Vous vous opposez, Dieu est de votre côté. Vous voyez comment c'est les problèmes de Dieu sont créés. Maintenant demande-toi. Et ce que nous faisons pourquoi? Ah, même moi je me pose cette question. Tout ce que je dis, pourquoi je le dis? Tout ce que je fais, pourquoi je le fais? C'est votre consentement. C'est votre consentement. La parole est apportée, frère. Pour te montrer que c'est tu as une grande responsabilité. Ta foi imani yako est aussi liée à ta volonté. Ton christianisme est à la base avec ta volonté. Tu veux devenir un chrétien. Tu veux avoir des expériences. Dieu l'accorde à quiconque veut. Maintenant tu vas te demander. Pourquoi je ne viens pas à l'église? Pourquoi j'attends seulement le dimanche? Réponds-toi toi-même. Réponds-toi toi-même. Donc, et toi-même, tu diras maintenant. Donc, c'est moi-même qui fais cela. Oui, c'est toi-même. Ça vas-tu continuer à faire ce que toi-même tu veux? Non. Nous sommes ici pour aller au ciel. Dieu a kwenda kumbingu. Nous sommes ici pour aller au ciel. Tu crois pas déjà kwenda kumbingu? Donc quiconque veut aller au ciel. Nikusema yote anapenda kwenda kumbingu. Quiconque est déterminé. Yote anakamata mpango. Il s'engage. Anajitoa mu. Il s'engage. Anajitoa ndani ile mpango yake. Nawaza hii maneno frère, inapaswa kureveiller kila dada na kila frère. Je pense que ces problèmes, ces choses doivent réveiller chaque frère, chaque sœur. Regardez maintenant. Mwangari sasa. Ce qui est drôle c'est quoi? Kile kitu cha kushangaisha ni kinini? Satan Shetani est tellement rusé. Eko mujanja sana. Il voit vraiment que le frère veut changer. Anaona sema huyu ndoko anapenda kubadilika. Mais il lui fait croire autre chose. Anamwaminisha vitu vingine. Eko na kukalima kusema hapana uko bien. Il te calme en disant que tu es bien. Auna bien. Tu n'es pas bien. Kama ulikuwa bien. Si tu étais le bien. Le Saint-Esprit ne parlerait pas ainsi. Le Saint-Esprit a choisi kusema hivi. Le Saint-Esprit ne parlerait pas. Roho Mtakatifu ingeweza kusema hivi. Dieu ne permettra pas. Mungu ashtaruhusu. À Satan. Kwa Shetani. D'être plus fort que nous. Akuye nguvu kutushindia. Mais comme Satan n'est pas plus fort que nous. Vile Shetani ana nguvu kutupita. Alors posons-nous la question. Sasa tujiswali. Comment sommes-nous devenus ses esclaves? Jioni tunakuwa watumwa yake. Quelqu'un qui n'est pas plus fort que nous. Mungu ana nguvu kutushindia. Comment obéissons-nous à quelqu'un qui n'est pas plus fort que nous? Jioni tunamtii yule ana nguvu kutushindia. Comment acceptons-nous que quelqu'un comme ça nous domine? Jioni tunachika mungu amule na muna pate kututawala. Toi-même, tu dois te dire, pourquoi j'accepte ces choses? Nous aimerais même moi aussi que chacun nous nous posons nous-mêmes ces questions-là. Comment accepterons-nous de vivre contrairement à Dieu? Comment accepterons-nous d'être sous la houlette de Satan? Galates chapitre 5. Galatia sura 5. Galatia sura 5. Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On a ça, c'est le français. En termes simples, Christ veut nous faire comprendre que nous sommes déjà libres. Chaque frère, chaque sœur, vous êtes déjà libres. C'est-à-dire, libres par rapport à qui? Quelqu'un vous liait. Quelqu'un vous tenait comme son esclave. Mais Dieu vous a déjà retiré de ses mains. C'est ce que Dieu veut nous dire. C'est pourquoi la suite, lisez la suite. Demeurez donc ferme. C'est-à-dire que on a kujulisha kusema. Il veut te faire connaître. Ku mikono ya Shetani. Que tu ne puis entre les mains du maintenant, diable. Bakia imara. Maintenant, reste ferme. Apana tena kuchika kuluria mubutumwa yake. Il ne faut plus encore accepter de retourner sous son esclavage. Mais le malheur c'est quoi? Lakini wole ni nini? Beaucoup de gens entendent. Et après cela, kisha, beaucoup acceptent de retourner dans la servitude. Bengine banamba mingi banachika kurudia mubutumwa. Frère, quand Dieu dit que nous sommes libres, Dieu ne négocie pas. Dieu nous dit ce qui est la vérité. C'est-à-dire chaque frère, chaque soeur, nous sommes ici. Nous sommes plus entre les mains du diable. Maintenant acceptez. Ça c'est mouchiki. Et toi-même dis, je ne suis plus entre les mains du diable. Qui l'a dit? Dieu. Pourquoi? Vous avez cru. Uriamini. Mais tu vas entendre ton cœur, les gens n'acceptent pas. Les gens n'acceptent pas. Est libre, c'est lui qui accepte qu'il est libre. Est Un lié, c'est lui qui accepte qu'il est lié. Maintenant, vous acceptez que vous êtes libre. Et agissez comme des hommes et des femmes qui sont libres. Dieu nous a-t-il libérés pour que nous restions nous-mêmes maîtres, non, pour lui appartenir. Libre vis-à-vis de Satan, mais lié vis-à-vis de Dieu. Maintenant, attachons-nous à Dieu. Soyons seulement à la disposition de Dieu. Mais vis-à-vis de Satan, je ne t'appartiens plus. Je ne peux plus faire ce que tu me demandes. C'est quelqu'un maintenant qui est en face de moi, à qui je réponds, il parle, je lui résiste. Résistez au malin et il ira très loin. C'est devenu un adversaire, mais avant ça c'était mon chef. Mais maintenant il est en face de moi, il parle, je lui résiste. Maintenant agissez, on dit demeurez ferme, c'est-à-dire considérez qu'il est sur le même pied que vous. Dites-lui des choses pour s'opposer à lui. Amen. Vous voyez le problème de la chrétienté. C'est savoir ta position vis-à-vis de Satan, vis-à-vis de Dieu. Ou tu comprends, tu vas comprendre que Satan est le mauvais esprit. C'est moi qui dois le résister. Que Dieu vous bénisse. Demeurez ferme. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. En termes simples, c'est quoi? N'acceptez pas de parler selon que lui vous commande. N'acceptez pas des pensées qui viennent de lui. N'acceptez pas des sentiments qui viennent de lui. N'acceptez pas la volonté qui vient de lui. C'est très clair, non? On a français, Dieu vous a donné un embrouillage. Vous voyez, c'est le français qui demeurez nous ferme. Moubake, et ne vous mettez plus sous l'esclavage. Moubake, n'acceptez pas ce qui vient de lui. Maintenant, j'évolue. Maintenant, Dieu Mung vous a déclaré guéri. Mitangaza, sema prenez la même écriture. N'acceptez pas tout ce que Satan vous dit que vous êtes malade. Les gens n'entendent pas. Libre, vous acceptez. Monachika. Maintenant, Dieu, ça, ça, le seul juge qui prononce la guérison ou la maladie, a prononcé par la même occasion la guérison. Matunzo. Mais Satan, lui, vient vous dire, ça, ça, vous êtes malade. Ou techika bien. Tu vas-tu accepter de qui? Ce qui vient de bien. Vas-tu accepter vous ce pouvez qui vient repartir, vous qui êtes malade. Vous pouvez repartir aujourd'hui étant guéri. La foi, c'est un problème. Est-ce que mon ami, et tu avais-vous cru que Mugonjo est en esprit toka pana mumba tu? Que tout malade peut se retourner. Maintenant, regardez. Ça, prenez la même écriture là. C'est pour la liberté que Christ nous a franchi. C'est pour la guérison que Jésus est mort à la Golgotha. Maintenant, demeurez ferme. Imara. Ferme en quoi? Imara munini. C'est qu'on vous a donné. Qui est Barimika Buria? On vous a donné la guérison. Barimika Buria. Oui, on m'a donné la guérison. Maintenant, Jamanaï. Ça, ça mina. Quand même on a commencé à Jamanaï. Résiste avec. C'est-à-dire que monte en esokunyanganya. C'est-à-dire que monte en esokunyanganya. On est sur le chic à papa. Tu toques à banakunyanganya. Tu peux accepter ici mais en sortant on te l'arrache. La foi aussi. Imani na yopia. Jamanaï. Mais en et l'église aujourd'hui sont des hommes et des femmes. On leur donne des bonbons. En sortant Satan. Ouais. On les arrache. Mardi, ils reviennent. Dieu donne. En sortant Satan arrache. Et nous irons dans l'enlèvement comment? Nous irons dans l'enlèvement comment? Parce qu'à tes vies, tout quoi pas. Même quand nous sommes ici. Dieu donne comment? Par la voix de la prédication. Par la voix de la parole. Dieu vous donne tous les droits que Christ, pour lequel Christ est mort à Golgotha. C'est pour chaque frère et chaque sœur. Tel que nous sommes ici, nous pouvons repartir étant des chrétiens. Mais qu'est-ce qui arrive? En sortant, Satan arrache quelques-uns. Et ils croient qu'il faut encore revenir prochainement pour recevoir la même chose que tu as reçue aujourd'hui. Et pourtant, la parole est apportée pour te rendre ferme une fois pour toutes. Que Dieu nous vienne en aide. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug. N'acceptez pas. On t'a déjà donné quelque chose. On puisse encore te l'arracher. Celui qui veut te racheter, résiste lui. C'est-à-dire, Léo, aujourd'hui, tout ce que nous recevons de Dieu, restez avec ça et vous deviendrez chrétien. Restez avec ce que Dieu a donné et vous serez un croyant et une croyante. Vous aurez ce que Christ a donné tant que vous gardez ça de tout cœur. Vous laissez Satan, même votre foi ne prospérera pas. Vous avez besoin de garder ferme. Ne vous laissez pas mettre. N'acceptez pas que Satan vienne vous dire autre chose. Si Christ vous a libéré, n'acceptez pas une quelconque, un autre langage qui n'est pas de Dieu. N'acceptez pas un autre langage qui ne vient pas du Saint-Esprit. N'acceptez pas un sentiment qui ne vient pas de Dieu. N'acceptez pas des pensées qui ne viennent de Dieu. Recevez seulement ce qui vient de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas pourquoi je suis poussé à insister sur ça. Vous sentez que la foi n'est pas établie dans beaucoup de frères et de soeurs. Maintenant, ça, ça, frère. Au ciel, nous irons comment? Nous irons comment au ciel? Ne pas, frère, Banduku, n'attendez pas sentir quelque chose dans le corps. D'abord recevez ce que Dieu donne. Et Dieu vient par la voix du Saint-Esprit faire de ça une révélation. Recevez d'abord ça. Et le Saint-Esprit lui-même viendra agir sur ce que tu as déjà gardé. Parce que c'est une semence. Cela doit être vivifié. Ce n'est pas maintenant notre affaire. C'est l'affaire de Dieu de venir sur chaque semence qui a été reçue. Chaque parole qui a été reçue, chaque guérison qui a été reçue, la faire germer, la faire germer plutôt. Amen. Frère, dans les choses de Dieu, tel que tu es venu, iku inawezekana utoke na vitu vingine bila vile urukuya. Tu peux arriver que tu sortes avec d'autres choses comme tu n'es pas venu. Maintenant, mambo ni mipango ile kunabeba. Le problème c'est ta décision. Mambo ni bino kunapokea mumahubiri. Le problème c'est ce que tu reçois dans la prédication. Unaweza unaweza kuingia. Tu peux entrer ici. Au kukua na kazi mais unatoka na kazi. Ne t'en pas avec un. Hapana kutafuta macho yone quelque chose. Il ne faut pas attendre que les yeux voient. Inawezekana uringia mbalako natoka na bukweri. Tu peux arriver que tu rentres, tu entres, c'est pas tête sur ta tête. Mambo ni wiki yako. Le problème c'est que tu inawezekana uringia na magonjo natoka matunzo yako. Tu peux arriver que tu entres avec la maladie, tu sors et guéri. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Après tout, tu ne combats la mungu, frère. Nous sommes venus devant Dieu, mon frère. Nous sommes venus devant Dieu. Maintenant, chacun, ça, qui la, la parole est apportée pour susciter la foi véritable dans chaque frère. Combien sont dans les besoins aujourd'hui? Qui ont un besoin physique ou matériel? Ça, c'est mon grand. Savez-vous que Dieu est sur place ici? Ne cherchez pas à voir un signe. Dieu est sur place par son esprit et par sa parole. Et les choses que nous vous disons ne viennent pas de moi. Dieu veut faire du bien à chaque frère, à chaque soeur. Maintenant vous recevez ça. Dieu, c'est pour notre bien que Dieu parle. La Bible dit, lui seul a de bons projets de paix et de bonheur. Pas un homme. Pas un homme. Tel que nous sommes venus, chacun a une difficulté, chacun a un problème, chacun a une préoccupation. C'est tout ce que nous avons comme préoccupation, comme difficulté, a une réponse que Dieu donne par la voie de la prédication. Si c'est une difficulté, si c'est une préoccupation, le Seigneur est ici pour que chaque problème soit résolu. Croyez ça. Croyez véritablement. Croyez ça. Et même quand nous aurons prié, chaque problème, chaque préoccupation doit avoir une solution. À moins que ce ne soit pas le Saint-Esprit qui me le dit. Comme il y a des difficultés, comme il y a des afflictions, ouvrez largement vos cœurs de sorte que le Saint-Esprit puisse agir. Croyez ça. Maintenant, n'acceptez pas. Ça, ça, chichike, même en repartant, écoutez seulement Dieu. N'écoutez pas autre chose. Restez seulement connecté à ce que l'Esprit donne. Restez seulement attaché à ce que Dieu donne. Les vies peuvent être changées. Les vies des sœurs, les vies des frères peuvent être changées. Comment? Maintenant. Ne doutez pas. Maintenant. Pas demain. Ne doutez pas. Pourquoi? Le Seigneur est présent. Et il veut le faire pour chaque frère et chaque sœur. Quiconque est disposé. Le Seigneur est celui qui rend capable. Quand est-ce qu'il le fait? Maintenant. Pourquoi? Il est Je suis. Comme il est présent, ouvrons largement nos cœurs et Dieu va le faire. Dieu va le faire. Soyez de ceux-là. Étant venu, il repart. Un homme changé. Un homme délivré. Un homme ayant la joie. Pourquoi? Je suis allé à la rencontre du Seigneur. Et quiconque va à la rencontre du Seigneur ne rentre pas le même. Non. Ne rentre pas les mains. Écoutez seulement ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Accrochez-vous à ça. Tenez ferme. Maintenant dites, Seigneur, souviens-toi de moi maintenant. Trop c'est trop. Je suis resté dans cet état. Je suis resté esclave. Tout ça, je comprends que ta volonté, c'est de me consoler aujourd'hui. Et que Dieu puisse consoler les frères. Bangapi banamini? Qui croit? Combien croit? Touche ma main, Nissas. Lève-nous. Maubiri naish. La prédication est terminée. Le Seigneur est présent. Quiconque croit de tout son cœur, frère ou sœur, croyez de tout votre cœur que le Seigneur est ce matin ici pour consoler chaque sœur et chaque frère, pour donner solution aux choses, aux problèmes auxquels vous étiez confrontés et vous n'avez pas vu d'issue. Ça ne demande pas une longue prédication, mais sa présence vaut plus qu'une heure de prédication. Sa présence vaut plus. Amen. Amen. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Maintenant, Sas. Dieu, Mungu. Écoutez, Mushiki. Frère Branham disait, quand il était physiquement sur la terre, une femme l'a touché. Nous le touchons comment aujourd'hui? Par ce que nous avons dans nos cœurs. Dites-lui ça. Je ne voudrais pas trop lire les Écritures. Ésaïe 56, Ésaïe 57, 66, verset 2. 57 verset je crois 15. La Bible dit, Dieu est au ciel. Mais lakini, il est attentif. Il a les yeux sur tout homme, toute femme qui a une affliction dans le cœur et qui s'approche pour que Dieu sente cette affliction. Soyez frères, soyez sœurs de ceux-là qui sont suffisamment affligés et qui voudraient que le Seigneur soit touché par cette affliction. Et voyons si Dieu n'est pas avec nous. Conducteur, tu m'y es moins pour moi. Mungozi tutumie kwa mwimbo. Nous chantons tous. C'est combien dans collection? Tuko na imba shemote. Chantons tous ce cantique-là. Tout qu'on a imbaillé, je m'en le wimbo. Au fil des temps, j'entends les gens qui me disent pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois. Je crois toujours en ces miracles, je réponds aux prières, car il a toujours été Dieu. Yeah. chaque frère, chaque sœur, dites quelque chose à Dieu. Dis Seigneur, j'aimerais que quand l'homme de Dieu priera, Seigneur, que une fois pour toutes, mon problème, ma difficulté, ce qui me tourmente, ait une solution définitive. Comme tu es présent, Seigneur, il n'y a pas de doute. Aide-moi à chasser tout doute, toute peur, toute incrédulité de mon cœur. Seigneur, visite-moi une seule fois dans ma vie aussi. Que j'aie quelque chose comme David pouvait dire. Il y a eu les lions, il y a eu l'ours. On y peut qu'on a mis qui tout qui mourait. Prions tous.